إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 20 dans le livre Sharh Umdat al-Ahkam qui s'appelle Taysir al-Allam. Donc Sharh Umdat al-Ahkam, Taysir al-Allam, écrit par le Cheikh Al-Allama Abdullah ibn Abdurrahman ibn Salih Al-Bassam. Donc ça c'est le nom de celui qui a fait le Sharh, qui a écrit le Sharh, le Cheikh qui a écrit le Sharh, s'appelle Cheikh Abdullah Al-Bassam. Et c'est l'explication du livre Umdatul Ahkam. On l'a commencé il y a longtemps, mais on a fini Kitab. Kitab al-Tahara, le livre au sujet de la purification, le premier chapitre. Et donc une fois qu'on a fini cette partie là, on s'est arrêté, puis on a dit qu'on allait continuer lorsque ce serait possible. Et donc alhamdoulilah, j'en profite maintenant, étant donné que c'est l'été, on a beaucoup de temps libre, donc on peut reprendre le livre. Et donc on va faire maintenant inshallah Kitab al-Salat, le chapitre au sujet de la salat. Et le livre à la base Umdatul Ahkam, il est écrit par le Cheikh Al-Hafiz Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Ibn Surur Al-Maqdisi Rahimahullah. Et c'est un des ulama des Hanabila, parmi les ulama de hadith, et un des contemporains de l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi, un des grands ulama du madhab al-Hanbali et des grands ulama de l'islam. Donc on commence tout de suite inshallah Kitab al-Salah, le chapitre de la salat. Le Cheikh il dit: الصلاة في اللغة الدعاء. قال القاضي عياض: وهو قول أكثر أهل العربية والفقهاء. Donc, premièrement, le mot salat en arabe, linguistiquement, ça signifie ad-du'a, c'est-à-dire l'invocation. C'est-à-dire que les Arabes, avant la révélation du Coran, quand ils utilisaient le terme salat, c'était dans le sens de l'invocation, du du'a. Hein? Et il dit que Al-Qadi Iyad a dit que ça c'est la parole de la plupart des savants de la langue arabe et des savants de fiqh. Wa tasmiyat ad-du'a salat ma'rufun fi kalam al-arab. Donc d'appeler la salat du'a, c'est quelque chose qui est connu. Appeler le du'a salat dans la langue arabe, chez les Arabes, c'est connu avant l'islam. إذ العلاقة بين الدعاء والصلاة جزئية فإن الدعاء جزء من الصلاة لأنها قد اشتملت عليه. Et il dit, le cheikh, que le lien qu'il y a entre l'invocation et la salat en islam, dans son sens islamique, c'est un sens partiel ou un lien partiel, parce qu'en réalité, l'invocation, c'est une des parties de la salat. Puisque dans la salat, quand on fait la salat, eh bien, on fait des invocations, des du'as dedans. Donc, ça comprend le du'a. Et il dit, « Wa fi shar' أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم مع النية. » Donc il dit que dans la législation, dans la révélation, dans l'islam, le sens religieux, islamique, du terme salat, c'est la définition suivante. Les fuqaha, ils disent que c'est des paroles et des actions qui sont débutées par le takbir et qui sont clôturé par le taslim, tout en ayant l'intention. Donc ça, c'est la définition de la salat dans le sens de la charia de l'islam, dans le sens de la révélation islamique. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il nous ordonne de faire la salat, c'est ce qu'il nous ordonne de faire, des paroles et des actions. Des paroles, on doit réciter des paroles spécifiques et faire des mouvements et des gestes spécifiques qui sont débutés par le takbir, Allahu Akbar, et qui sont clôturés par le taslim. Quand on termine, on dit Assalamu alaikum wa assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc ça, c'est la salat. Bien entendu, il faut qu'il y ait niyya, l'intention. C'est quoi la preuve qu'il faut avoir l'intention pour que la prière soit valable? C'est le hadith qu'on a lu dans ce livre, le premier hadith. Innama al-a'malu binniyat. Les œuvres n'auront de valeur que selon l'intention. Et ensuite, le cheikh dit: Was-salawatu al-khams, ahad arkan al-islam al-khamsa, bal a'zamuha ba'da ash-shahadatayn. Donc il dit que les cinq prières, c'est un des piliers de l'islam, parmi les cinq piliers de l'islam. Et que c'est le plus important des cinq piliers après Ash-Shahadatayn, après la déclaration de la foi, de Ash-Hadu an la ilaha illallah wa Ash-Hadu anna Muhammadan Rasulullah. Ça, c'est le premier pilier de l'islam. Qu'est-ce qu'on appelle Ash-Shahadatayn? Ça, c'est le plus important des piliers de l'islam. Puis ensuite vient la salat. Donc c'est le plus important après Ash-Shahadatayn. Cheikh il dit ensuite: Wa thubutuha bil kitab wa sunnati wal ijma', faman jahadaha faqad kafar. Et donc il dit que l'obligation des salawat et de ce pilier de l'islam est établie par le Coran, par la sunna et par le consensus des musulmans. Et quiconque renie l'obligation de la salat, il a mécru. Il a rejeté la foi. Il n'a pas cru en l'islam. Si quelqu'un renie l'obligation de la salat, il n'a pas cru en l'islam. وفي مشروعيتها من الفوائد ما يفوت الحصر من الوجهة الدينية والدنيوية والصحية والاجتماعية والسياسية والنظامية. ولو ذهب الكاتب يعدها عدا لطال عليه الكلام. Donc le cheikh il dit, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait légiféré ces cinq prières par jour, il y a dans ça des grands bienfaits. Et il dit qu'il y en a tellement de bienfaits dans l'obligation de ces cinq prières que c'est impossible de les cerner, de les dénombrer, de les calculer tous. Que ce soit du point de vue religieux ou du point de vue de la vie matérielle, de la vie d'ici-bas, des affaires de la vie, que ce soit sur le plan de la santé ou sur le plan social, politique et sur le plan de l'organisation. Donc sur tous ces points de vue-là et sur tous ces plans-là, il y a des bienfaits dans le fait de faire les 5 prières par jour et d'établir la salat. Et si l'auteur commençait à les calculer, eh bien ce serait très très long. C'est-à-dire de calculer les bienfaits reliés à la salat, eh bien ce serait très très long de les énumérer tous et de les mentionner. Il dit « Wallah subhanahu wa ta'ala ahkamul hakimin hina faradaha biqiyamiha wa qiyamid dunya wal akhira wa biqiyamiha qiyamid dunya wal akhira » Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala est le plus juste et le meilleur des juges, et en rendant cette prière, cette salat obligatoire, hein, il est le meilleur des juges, et en établissant cette prière-là, dans c'est la meilleure des choses dans cette vie et dans l'au-delà. Après le cheikh il dit وَلَهَا فُرُوضٌ وَشُرُوطٌ وَمُكَمِّلَاتٌ كَمَا أَنَّ لَهَا مُبْطِلَاتٌ وَمُنَقِّصَاتٌ أو مُنْقِصَاتٌ وَتَقَدَّمَ أَحَدُ شُرُوطِهَا وَهُوَ الطَّهَارَةُ وَتَأْتِي بَقِيَّةُ أَحْكَامِهَا فِي الْأَحَادِيثِ التَّالِيَةِ إن شاء الله. Donc le cheikh il explique que l'obligation, hein, c'est-à-dire que la prière, l'obligation des 5 prières par jour, de faire dans la prière en elle-même, il y a différentes choses qui sont obligatoires. Il y a certaines des choses dans la prière ou dans la salat qui sont des conditions, que si tu les as pas fait, si tu fais pas ces conditions-là, ta prière sera pas valable. Il y a des choses obligatoires que tu peux pas manquer, que tu peux pas délaisser, que si tu les délaisses, ta prière ne sera pas valable. Et il y a des choses également qui sont des choses qui viennent parfaire ta prière, qui ne sont pas obligatoires, mais si tu les fais, ça va parfaire ta prière et ça va la rendre plus complète. De même qu'il y a aussi des choses qui vont complètement annuler ta salat si tu les fais. Il y a également des choses qui vont diminuer la valeur de ta prière, sans toutefois l'annuler complètement. Donc c'est important de connaître ces choses-là. Et le cheikh, il n'a pas mentionné ça, mais peut-être que c'est intéressant de le mentionner, c'est que une des choses qui montre et qui clarifie l'importance de la salat, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la première chose qu'il a rendue obligatoire parmi les obligations de l'islam, et qu'il l'a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam directement, hein, en personne, au-dessus des sept cieux, lorsque il a eu l'ascension, hein, l'ascension nocturne, et que Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait monter au-dessus des sept cieux et lui a révélé en direct et en personne, de vive voix, l'obligation des 5 prières par jour. Contrairement aux autres obligations de l'islam qui ont été ordonnées et descendues par la révélation, par l'intermédiaire de Djibril. Donc ça, c'est quelque chose qui montre en même temps l'importance de la salat. Et à la base, c'était 50 salats par jour qu'on devait faire. Donc 50 salats par jour, ça aurait été vraiment, vraiment lourd. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par la miséricorde qu'il a pour ses serviteurs, il a diminué le nombre de 50 à 5 par jour. Et il a gardé la récompense. C'est-à-dire, il a diminué le nombre, mais il a gardé la récompense. C'est-à-dire que chaque prière que tu fais, elle a la valeur de 10. Et donc, ça fait 5 fois 10, ça fait 50. Donc on a la récompense de 50 prières malgré qu'on en fait 5 seulement. Naam. Et donc le cheikh il dit, on a déjà parlé d'une des conditions de la salat. Et c'est quoi cette condition? C'est la tahara, la pureté. On a parlé de la pureté et de la purification, et ça c'est une des conditions de la salat. Les conditions de la salat, c'est les choses que tu dois respecter avant de commencer ta salat pour que ta salat soit valable. Hein? Des choses qui viennent avant la prière, comme le fait d'être en état de pureté. Si tu n'es pas en état de pureté et que tu veux faire la salat, hein, tu dois te purifier en premier. Si tu ne te purifies pas, hein, même si tu fais tous les gestes comme il faut et que tu dis les bonnes paroles et que tu fais les bons mouvements et tous les gestes, et même si tu as l'intention dans ton cœur, ce ne sera pas valable jusqu'à ce que tu t'aies purifié. Donc tu dois absolument te purifier pour pouvoir faire la salat, sinon ce ne sera pas valable. C'est une condition pour la salat. Sans la purification, ta salat n'est pas valable. Il y a d'autres conditions également, et on va les mentionner dans qu'est-ce que le cheikh il mentionne maintenant. Et le premier chapitre, ou le premier point qui est étudié dans Kitab al-Salat, c'est le chapitre Bab al-Mawaqit. Babun al-Mawaqit. Bab al-Mawaqit, ça veut dire les temps. Hein? Les temps de la prière. Et le cheikh, il dit Al-Mawaqit jam'u miqat. والمراد هنا المواقيت الزمنية التي هي المقدار المحدود لفعل الصلوات المفروضات وغيرها. Donc le terme mawaqit, c'est le pluriel du mot miqat. Et qu'est-ce qu'on veut dire par miqat ici? C'est miqat الزمنية. الميقات الزمنية هو المواقيت الزمنية. Parce que le terme miqat, ça peut être appliqué à un lieu ou à un yani, c'est-à-dire à un lieu ou à un temps. Ça peut être relié au temps et ça peut être relié à un lieu. Comme par exemple les miqat pour l'ihram. Hein, il y a les miqat pour l'ihram quand on fait le hajj ou la umra. Ça c'est les miqat dans qu'on appelle al-makaniya, al-mawaqit al-makaniya, celles qui sont reliées à l'endroit. Tandis que là, ici, maintenant, on parle des mawaqit al-zamaniya, c'est-à-dire les différents temps qui déterminent l'entrée des différentes prières qu'on fait cinq fois par jour. Et comment on sait que le temps de telle prière débute? Hein? Et à quel moment les prières débutent? Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait des mawaqit pour les heures de prière qui sont très simples, hein, qui sont très simples à connaître et à comprendre, et ça prend pas de calcul ou de calcul compliqué mathématique pour les trouver. Il y a des gens par exemple pendant le Ramadan, ils disaient comment ça se fait que les ulama ils disent qu'on peut pas calculer le début et la fin du Ramadan, alors que pour les cinq prières, on utilise les calculs. C'est pas vrai. On n'a pas besoin d'utiliser les calculs pour savoir le début et la fin de chaque prière, puisque les choses par lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionné le début et la fin du temps de chaque prière, c'est des choses très simples, très faciles. Aujourd'hui, on a perdu l'habitude de regarder le ciel. On a perdu l'habitude de regarder le soleil pour déterminer le moment ou le temps. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on est éloigné de ces réalités-là. Souvent, on est à l'intérieur, souvent on est dans les maisons, ou on est dans les immeubles, dans un bâtiment, donc on ne regarde pas dehors. Et on a l'habitude de regarder la montre, hein, ou l'heure. Donc c'est comme ça qu'on détermine le temps, puis on dit ah bon, ça maintenant c'est l'heure de la prière. Surtout quand on est dans des pays non musulmans. Quand on est dans des pays musulmans, on entend le adhan, et c'est ça qui nous fait rappeler que c'est le début du temps de telle ou de telle prière. Hein? Parce que le mu'adhin, la personne qui fait le adhan, il va يعني à l'époque, bon, ils observaient le soleil, ils regardaient, hein, puis ils observaient le soleil, puis ils faisaient le adhan selon la position. Quand c'était l'aube, ils regardaient est-ce que l'aube est apparue. Si l'aube est apparue, hein, les rayons du soleil apparaissent à l'horizon, donc ils commencent à faire le adhan. Quand le soleil arrive au zénith, c'est-à-dire à son plus haut point de la journée, et quand il dépasse le zénith, donc ils font l'adhan pour le dhuhr. Et pour l'asr, quand l'ombre est devenue le double de la longueur de la personne. Et le maghrib, quand le disque du soleil traverse l'horizon, dépasse l'horizon, hein, puis on ne le voit plus. Il est complètement disparu, donc là, on fait l'adhan. Puis le isha, c'est quand les rougeurs ou les lueurs du ciel disparaissent. Là, on dit que dans ce cas-là, c'est le temps de Aïcha, et ainsi de suite. Donc, c'est très simple. Et donc, c'est ça qu'on va lire ici maintenant. Donc, le Cheikh, il dit دخول وقت المفروضة هو الشرط الثاني من شروط الصلاة. Donc, l'entrée du temps, c'est une autre condition pour que la prière que tu fais soit valable. Si tu pries une prière avant l'entrée du temps, alors ta prière ne sera pas valable. C'est comme par exemple, il y a des gens qui disaient ou qui posaient la question, moi par exemple, j'ai ma pause entre 11h et midi, par exemple, l'été, puis à ce moment-là, je pourrais faire ma prière. Mais sinon, après, quand le temps de la prière rentre, j'ai pas de pause à ce moment-là, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux prier avant le temps? Non, on peut pas prier avant le temps, parce que si on prie avant le temps, la prière sera pas valable. Il faut attendre que le temps de la prière soit rentré pour pouvoir prier. Donc ça, c'est un exemple. C'est ça que ça signifie lorsqu'on dit que l'entrée du temps de la prière, c'est une condition. Si on veut que notre prière soit valable, il faut la faire après que son temps soit entré. Donc, le premier hadith qui est cité dans ce chapitre, c'est ici dans le livre de Taysir al-Allam, c'est le hadith 44. Mais selon l'édition ou la version que vous avez, il y a différentes numérotations parfois parce que parfois, certains hadiths sont calculés par rapport aux différentes parties ou versions qui sont mentionnées, tandis que certaines éditions, ils mentionnent pour chaque version du hadith, même si c'est dans un hadith et qu'il y a plusieurs versions, ils numérotent chaque version comme étant un hadith séparé. Tandis que dans d'autres éditions, ils calculent ça comme étant un seul hadith. Donc c'est pourquoi il y a des différentes numérotations parfois. Donc il dit ici, le hadith c'est « An Abi Amr al-Shaybani, wasmuhu Sa'd ibn Iyas. Qala haddathani sahibu hadhihi ad-dar, wa ashara biyadihi ila dari Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qala سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله. Donc ça c'est le hadith qui est rapporté, et je rappelle encore une fois que tous les hadiths qui sont dans Umdatul Ahkam sont authentiques. Ils sont tous rapportés soit par Al-Bukhari et Muslim ensemble, ou soit par Bukhari ou par Muslim. Alaykoum salam. Et donc, il dit, c'est rapporté selon Abi Amr al-Shaybani. Il dit son nom c'est Ibn Iyas. Il dit mon compagnon, ou le compagnon de cette, le propriétaire de cette maison. Et il a pointé avec sa main vers la maison de Abdullah ibn Mas'ud. Il dit, le propriétaire de cette maison m'a dit, en parlant d'Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud a dit, j'ai demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lesquelles des œuvres qu'on fait sont plus aimées d'Allah, c'est-à-dire lesquelles de nos actions Allah aime le plus. Il a dit de faire la salat dans son temps. D'accord. Après, il a dit, et laquelle ensuite? Il a dit d'être bon envers tes parents. Il a dit, et laquelle ensuite? Il a dit de lutter dans le sentier d'Allah. Et il a dit, وقال حدثني بهن رسول الله ولو استزدته لزادني. Et Abdullah ibn Mas'ud a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a mentionné ces différentes actions là. Et si je lui aurais demandé de continuer ou d'en mentionner plus, c'est-à-dire de mentionner plus d'actions que Allah aime, il m'en aurait ajouté d'autres. C'est-à-dire il m'aurait donné d'autres exemples de bonnes actions parmi les actions que Allah aime le plus. Il dit, Cheikh Abdullah al-Bassam, il explique donc le hadith en mentionnant premièrement les termes ou les mots qui sont mentionnés dans le hadith. Expliquer les mots qui sont mentionnés ou les expressions qui sont mentionnées dans le hadith. As-salatu ala waqtiha, qu'est-ce que ça signifie? Je l'ai traduit par la prière dans son temps. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Cheikh il dit as-salatu ala waqtiha yuridu biha as-salatu al-mafruda li'annaha hiya al-murada 'inda al-itlaq. Donc il dit, quand on parle de la prière dans son temps, la salat dans son temps, il dit on parle ici de la prière obligatoire, parce que lorsqu'on utilise le terme salat, salat de façon absolue, ça désigne en premier la prière obligatoire. Et il dit ensuite thumma ayyun, quand il demande, il dit ayyun استفهامية معربة وقيل إنها غير منونة مع إعرابها وذلك لتقدير الإضافة. Donc il explique que ayun c'est un article qu'on utilise pour c'est comme un élément d'interrogation qu'on utilise pour poser une question. Donc on dit ayun, c'est-à-dire laquelle, hein? Et il dit que c'est mu'araba, donc en tout cas ça c'est des termes grammaticaux. Après le cheikh il dit wal ma'na al ijmali. Sa'ala ibn Mas'ud radiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an at-ta'at lillah ahab ayyuha ahab ila Allah ta'ala fa kullama kana al-'amal ahab ila Allah kana thawabuhu akthar. Donc il dit que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos des actes d'obéissance qu'on fait pour Allah, et laquelle d'entre elles est plus aimée d'Allah, parce que plus une action est aimée d'Allah, plus sa récompense est grande, plus sa récompense est grande. Il dit faqala sallallahu alayhi wa sallam mubayyinan inna ahabbaha ila Allah as-salatu al-mafruḍah في وقتها الذي حدده الشارع لأن فيه المبادرة إلى نداء الله تعالى والامتثال لأمره والاعتناء بهذا الفرض العظيم. Donc il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié que l'acte qui est plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la salat qui est obligatoire. Et c'est c'est-à-dire de la faire dans son temps qui a été déterminé par le législateur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a dans le fait de faire la prière dans son temps ou au début de son temps, il y a dans ça le fait de se précipiter vers l'appel d'Allah et de mettre son ordre en application et en implémentation. Donc ça veut dire que tu entends l'adhan dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il nous appelle et il dit Hayya ala salat, hayya ala al-falah. Venez vers la salat, venez vers le succès. Et donc, quand on se précipite pour établir et accomplir la prière au début de son temps, eh bien, il y a dans ça quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala aime et qui montre que on se précipite et on se dépêche pour mettre en application cet ordre et ce commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que on donne de l'importance et on se préoccupe de cette grande obligation dans l'islam. Et dit وَمِنْ رَغْبَتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْخَيْرِ لَمْ يَقِفْ عِنْدَ هَذَا بَلْ سَأَلَهُ عَنِ الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ مَحْبُوبَاتِ اللَّهِ تَعَالَى قَالْ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ. Donc le cheikh dit que Abdullah ibn Mas'ud رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, c'est quelqu'un qui aimait le bien. Et donc, tellement qu'il aimait le bien, il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. Il a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à propos du degré qui vient après la salat. Donc, il dit, quelle est l'autre action par la suite qui est parmi les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala après la salat dans son temps. Et il a dit, birrul walidain. Il a dit d'être bon envers ses parents. دي فالأول محض حق الله وهذا محض حق الوالدين فإن الأول محض حق الله وهذا محض حق الوالدين. Donc la première action qui a été mentionnée, c'est la salat, et ça c'est un droit exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et quelque chose qui est spécifique parmi les droits d'Allah. Et il dit que en ce qui concerne le deuxième, c'était le droit des parents. Et le droit des parents, il est très important dans l'islam. Et il vient après le droit d'Allah. Et le cheikh il dit: وَحَقُّ الْوَالِدَيْنِ يَأْتِي بَعْدَ حَقِّ اللَّهِ بَلْ إِنَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ تَعْظِيمِهِ لَهُ يُقَرِّنُ حَقَّهُمَا وَبِرَّهُمَا مَعَ تَوْحِيدِهِ فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ لما لهما من الحق الواجب مقابل ما بذلاه من التسبب في إيجادك وتربيتك وتغذيتك وشفقتهما وعطفهما عليك فالبر بهما وفاء لبعض حقهما. Donc le cheikh il explique que le droit des deux parents vient après le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque dans le Coran il y a plusieurs versets dans lesquels, après avoir mentionné le tawhid, tout de suite après, il mentionne l'obéissance et la bonté envers les parents. Donc c'est pour montrer que l'obéissance envers les parents, c'est quelque chose qui est très très important dans l'islam. Et que ça vient juste après le droit d'Allah. Donc c'est très grand comme importance. Et donc ils ont un droit obligatoire sur nous. Et nous, on a un devoir envers eux qui est obligatoire, remercier nos parents de tout ce qu'ils ont dépensé et tout ce qu'ils ont fait pour nous, du fait que également ils ont été la cause de notre existence, puisque ils nous ont mis au monde et ils nous ont éduqués. Et ils nous ont nourris, ils nous ont également donné de l'affection et de la tendresse, et ainsi de suite. Donc d'être bon envers nos parents, ça fait partie de respecter et de leur donner leurs droits. Quand tu es un bébé, tu as besoin de tes parents, tu peux rien faire sans tes parents. Et si tes parents, si tu n'avais pas de parents, par exemple tu nais puis qu'on t'abandonne comme ça, qui va te nourrir? Qui va boire? Tu peux pas boire tout seul. Tu peux pas manger tout seul. Tu peux même pas te laver toi-même, te nettoyer. Tu peux même pas faire tes besoins tout seul. Donc, si c'était pas de la miséricorde de tes parents pour toi, eh bien, tu n'aurais même pas pu survivre. Même une journée ou deux. Donc, tu as besoin de tes parents. Et donc, tes parents, ils ont un grand droit sur toi. Et il dit le cheikh, ثم إنه رضي الله عنه استزاد من لا يبخل عن الدرجة استزاد من لا يبخل عن الدرجة الثالثة من سلسلة هذه الأعمال الفاضلة فقال الجهاد في سبيل الله فإنه ذروة سنام الإسلام وعموده الذي لا يقوم إلا به وبه تعلو كلمة الله وينشر دينه وبتركه والعياذ بالله هدم الإسلام وانحطاط أهله وذهاب عزمه وذهاب عزهم نعم يعني انحطاط أهله وذهاب عزهم وسلب ملكهم وزوال سلطانهم ودولتهم وهو الفرض الأكيد على كل مسلم فإن من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. Donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mentionné un troisième exemple parmi les bonnes actions puisque Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu il lui a demandé un troisième bonne action après dans cette chaîne des bonnes actions que Allah aime et il a mentionné al jihad fi sabilillah donc le fait de lutter dans le sentier d'Allah et ça c'est le plus haut point de l'islam et c'est le pilier de l'islam sans lequel la religion ne peut pas se tenir et c'est par cela que c'est par le jihad que la parole d'Allah est élevée et que sa religion est propagée et lorsqu'on le délaisse ou qu'on l'abandonne eh bien l'islam est détruit et les musulmans sont rabaissés et écrasés et ils perdent leur puissance et leur force et ils perdent également ce qu'ils possèdent comme propriété et comme bien et ils perdent leur autorité et leur pays parce que les ennemis de l'islam en profitent pour venir écraser les musulmans et essayer d'anéantir leur religion. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Depuis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a commencé sa da'wah et qu'il a appelé les gens de son peuple, de Quraysh, à l'islam, eh bien, ils ont tout fait pour essayer de l'arrêter. Et lorsque par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur les mouchriquins et que la plupart des Arabes sont entrés dans l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné la puissance aux musulmans et les sahabas sont partis dans le monde entier pour propager la parole de l'islam et élever la parole d'Allah. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui on retrouve que une grande portion de la population mondiale fait partie des musulmans et sont rentrés dans l'islam. Tous ces terrains, ces terres et ces contrées ont été conquises au nom de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et bien entendu les ennemis de l'islam, les kuffars et les gens qui font partie des mouchriquins et des kuffars, ils ont toujours essayé d'écraser les musulmans ou bien de les rabaisser ou bien de diminuer leur importance. Et on a vu, c'est pour ça qu'il y a toujours eu des guerres et des luttes entre les musulmans et les non-musulmans. Et il y a eu des colonisations même dans les pays musulmans. Lorsque les kuffars ont vu que les musulmans sont devenus faibles, ils en ont profité. Lorsqu'ils se sont divisés entre eux à cause des innovations, à cause des bidas, à cause des péchés, ils sont devenus faibles et ils en ont profité pour rentrer dans les pays musulmans et faire du désordre. Et par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, les musulmans, ils vont retourner et revenir à leur religion, et commencer à la pratiquer comme il faut, et Allah subhanahu wa ta'ala leur redonne ce qu'ils ont perdu, lorsqu'ils reviennent à son ordre, lorsqu'ils se repentent, demandent pardon pour leurs péchés et reviennent à son ordre, Allah subhanahu wa ta'ala leur redonne ce qu'il leur a enlevé. Et c'est une des choses qui fait que les musulmans reprennent leur force, c'est justement parce qu'ils établissent les ordres d'Allah et qu'ils luttent dans le sentier d'Allah pour élever la parole d'Allah. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith que le cheikh il a mentionné, celui qui n'a pas combattu et qui n'a pas dit en lui-même, il n'a pas eu l'intention en lui-même de combattre, et qu'il meurt, il va mourir sur une branche de l'hypocrisie. D'accord? Donc ça, c'est important de le savoir. Et puis en même temps aussi, il faut comprendre que aujourd'hui, les musulmans, maintenant, ils sont dans une situation de faiblesse, et que parfois, il y a des groupes dans les situations de... Quand il y a les musulmans qui sont dans les situations de faiblesse, il y a des groupes qui apparaissent, comme les Khawarij, et ils essaient de faire du désordre parmi les musulmans et les non-musulmans. Et parmi les choses qu'ils font, c'est que ils font des actes de terrorisme et ils tuent des innocents et ils font du tort sur la, ils font du mal et de l'injustice. Et ils prétendent que ça fait partie du djihad, alors que, bien entendu, le djihad, ça n'a rien à voir avec ça. Djihad, c'est une chose, et le terrorisme, ça, c'est une autre chose. Et ça n'a rien à voir, un n'a rien à voir avec l'autre. Donc il ne faut pas confondre ce que font des groupes comme des groupes de Khawarij comme Daesh ou bien Al-Qaïda ou d'autres avec les enseignements purs de l'islam par exemple les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui sont innocents de ce que font ces groupes extrémistes parmi les Khawarij. Donc le cheikh dit ma yu'khadhu min al-hadith, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith? أولا أن أحب الأعمال إلى الله الصلاة في وقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله وذلك بعد وجود أصل الإيمان فإن العبادات فروعه وهو فإن العبادات فروعه وهو أساسها. Donc le cheikh il explique que premièrement, les actions les plus aimées d'Allah, c'est d'établir la salat dans son temps. Et d'être bon envers les parents. Puis ensuite, de lutter dans le sentier d'Allah. Et il dit, ça c'est bien entendu, après qu'on ait établi la base de la foi. Parce que les actes d'adoration sont des branches qui découlent de la foi. Et la foi, elle, c'est la base. C'est la base. لذلك بعد وجود أصل الإيمان فإن العبادات فروعه وهو أساسها. Deuxièmement, ثانيا يقصد بهذا السؤال الأعمال البدنية بقرينة تخصيص الجواب بالصلاة وبر الوالدين والجهاد ولم يدخل في السؤال ولا في جوابه شيء من أعمال القلوب التي أعلاها الإيمان. Donc il dit qu'est-ce qu'il veut dire par cette question, c'est les actes corporels. Et l'indice de ça, c'est que il a spécifié dans la réponse la salat, la bonté envers les parents et le djihad. Et il n'a pas fait rentrer dans cette question, ni dans la réponse, les actes du cœur, et dont la plus haute, c'est la foi. La plus importante, c'est la foi. Thalithan, أن الأعمال ليست في درجة واحدة في الأفضلية. وإنما تتفاوت حسب تقريبها من الله ونفعها ومصلحتها فسأله عما ينبغي تقديمه منها. Donc il dit que les actions qu'on fait sont pas tous au même degré dans le mérite, elles sont à des degrés différents de mérite selon la manière dont elles rapprochent d'Allah et selon le bienfait qu'elles procurent et le bienfait qu'elles contiennent. Et donc, il a demandé à propos de ces bonnes laquelle des bonnes actions il faut mettre de l'avant et à quelle il faut donner priorité. Quatrièmement, rabi'an, anna al-a'mal tafdulu an ghayriha min ajli mahabbati Allahi laha. Donc, il dit que parmi les œuvres, il y en a qui sont meilleures que d'autres parce que Allah les aime. Cinquièmement, إثبات صفة المحبة لله تعالى إثباتا يليق بجلاله. Cinquièmement, on affirme à Allah l'attribut de l'amour, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala aime, et on affirme cela tel qu'il convient à sa grandeur et à sa majesté. Sixièmement, فضل السؤال عن العلم خصوصا الأشياء الهامة فقد أفاد هذا السؤال نفعا عظيما. Sixièmement, le mérite de poser des questions au sujet de la science et de la religion, en particulier les choses importantes. Et il n'y a pas de doute que cette question a ramené un grand bienfait dans la réponse, puisque c'est des questions très bénéfiques. Septièmement, yani sab'an wa akhiran, ترك بعض السؤال عن العلم لبعض الأسباب المخافة الإتجار والهيبة من المسؤول. C'est-à-dire de délaisser certaines questions par crainte de d'être trop lourd ou d'exagérer avec la personne à qui on pose la question, ou bien par respect pour la personne à qui on pose la question. Dans le sens que Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه قال حدثني بهن رسول الله ولو استزدته لزادني. Il dit, c'est le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم qui m'a dit ça, et si je lui aurais demandé de dire plus, il m'aurait dit plus. Il dit فائدة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة في الأعمال عدة مرات وكان يجيب على ذلك بما يناسب المقام ويصلح لحال السائل ولذا فإنه تارة يقول الصلاة في أول وقتها وتارة يقول الجهاد في سبيل الله وتارة الصدقة وذلك حسب حال المخاطب وما يليق به. Il dit que un point bénéfique à comprendre aussi, c'est que parfois dans certains hadiths, lorsqu'on demande à propos des meilleurs actes, des meilleures actions, il répond ce qui correspond au contexte et à l'état de la personne qui pose la question. Donc parfois il va répondre que la meilleure action c'est de prier dans son, au début de son temps. D'autres fois il va dire que c'est le jihad fi sabilillah. D'autres fois il va dire que c'est la sadaqa. Pourquoi? Parce qu'il répond selon l'état de la personne qui pose la question et selon ce qui est bénéfique pour lui. Il dit wala shakka anna hadhihi al-ajwiba. La shakka anna hadhihi ajwibatul al-hikma was-sadad. Wa fatawa man yurid al-amal was-salih al-am. فإن الدين الإسلامي دين الواقع دين الواقع في أحكامه وأعماله ولذا ينبغي أن تكون المفاضلة بين الأعمال مبنية على هذا الأصل فإن لكل إنسان عملا يصلح له ولا ينجح إلا به فينبغي توجيهه إليه وكذلك الوقت يختلف يعني فحينا تكون الصدقة أفضل من غيرها وكوقت المجاعات والحاجة وترة يكون طلب العلم الشرعي أنفع للحاجة إليه والانصراف عنه وكذلك طائف الليل وظائف الليل وظائف اليوم والليلة فساعة يكون الاستغفار والدعاء أولى من القراءة وساعة أخرى تكون الصلاة وهكذا. Donc il explique que dans ses réponses, il y a de la sagesse, puisqu'il explique à la personne qui pose la question les actions qui sont les meilleures pour lui au moment où il pose la question. Et ça, c'est yani, pour expliquer le mérite des actions. Et il dit que parfois, pour certaines personnes, c'est plus bénéfique pour lui de, par exemple, faire la sadaqa, comme si c'est un moment où il y a des pénuries ou les gens n'ont rien à manger, donc c'est plus important de donner et de faire sadaqa. Tandis que dans d'autres moments, c'est plus important de faire talabul ilm, et c'est plus bénéfique, parce qu'il y a un besoin pour ça. Et les gens s'en sont détournés. Et ainsi de suite. Des fois, c'est demander pardon à Allah et de faire des du'as, et ainsi de suite. Donc on va s'arrêter ici pour le cours d'aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.